quelque part. Si je m'en sors, moins mort, oui, moins mort que vivant. Et si je sens mieux le feu, oui, le feu et le sang, c'est que jamais. Jamais non, personne n'a su pour moi ce que je sais, ce que je sens. Non, jamais non, personne n'a su pour moi et ce que je sais, ce que je ressens. Je le sais. Mais je le sais maintenant. Ça, je le sais. Oui, je le sais maintenant. Mais jamais non, personne ne le sait pour moi. Oui, ce que je sais, ce que je ressens, ça, je le sais. Je le sais maintenant. Johnny et les années 70. Je pense que je suis un chanteur de variété, revu et corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. Programmation rock ce soir dans l'émission Johnny de A à Z. Oui, ce que je sais, c'était une exclusion, c'était une exclusivité, comme vous voulez, c'était une aparté, voilà. Quand tu marches dans la rue, les garçons se retournent. Malgré leur jeune âge, ils ont déjà envie de toi. Tu sais quand les garçons n'ont pas le droit de faire ce que moi je veux faire ce soir avec toi. Et quand j'étais petit garçon, je rêvais comme eux d'une vie comme toi dans mes bras. Quand tu marches dans la rue, les hommes se retournent. Mais les hommes savent très bien ce que toi et moi nous ferons ce soir dans nos draps. Ils ne sont plus petits garçons et ils rêvent tous d'une vie comme toi dans leurs bras. J'ai de sein sous ton maillot comme de jolies formes. J'ai de longues cuisses en paix de dormir les hommes. Oui, quand tu marches dans la rue, les hommes se retournent. Malgré

et les années 80. Tu es à l'envers quand ça arrive. Je peux te dire un truc, quand le jour se tombait en panne, j'avais la tête à l'envers, et je voyais des gens à travers les doigts, ils voyaient, ils faisaient « Ah, Johnny !» Ah, j'étais un con, j'étais là, et là, je peux rien faire, putain de merde. Écoutez RIG et l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. À présent, nous passons à la version originale adaptée pour Johnny Hallyday. On va parler du titre Sweet Little Sixteen de Chuck Berry. Johnny l'a reprise en 1963 sur son album Daddy Run Run, ou du moins sur le 8 titres, hein, le 25 cm Daddy Run Run sous le titre Douce Fille de 16 ans. On écoute ça tout de suite sur l'antenne de RIG. They're really rocking in Boston.

Ah oui, je reviens, mais toi tu ne viens pas. Yeah. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve notre idole à Bercy en 1995 avec une reprise d'un titre de Rod Stewart. Normal, il a son guitariste, enfin son ex-guitariste, Robin Mesoyer. Voici Hard Legs sur RG. De la semaine, qui est l'album Ce que je sais, sorti le 24 janvier 1998. L'album Ce que je sais, illustré par le photographe Patrick Marchelier, compte donc 14 titres, tous composés par Pascal Obispo, avec la complicité de son guitariste et arrangeur Pierre Giaconelli. Et à partir des textes de ses auteurs attitrés, Zazie, Didier Golmanas et Lionel Florence. La critique se montre très injuste envers ce disque et insidieusement à l'égard d'Obispo, dont les talents de mélodiste sont pourtant incontestables. Certains vont même l'attaquer sur des textes dont il n'est pas responsable, mais étant simple compositeur. Sacha Reims, dans Le Point, le 7 mars 98, estime que Ce que je sais, donnant son titre à l'album, est une telle suite de clichés qu'on pourrait croire qu'il a été composé non pas pour Johnny, mais pour sa marionnette des Guignols. Plus virulente encore, mais rendant à Obispo ce qui lui appartient, à savoir la partie musicale du disque, Véronique Mortaigne, écrit dans Le Monde le 7 février 98, fallait-il, après le flop du concert de Las Vegas et de l'album Destination Vegas, faire appel à un compositeur et chanteur à la mode, Pascal Obispo, pour sortir d'une impasse où l'absence de grandes chansons et les exigences d'une image de la star décalée ont placé Johnny à l'idée. Les mélodies confectionnées sur le modèle de Lucie, la chanson qui signale le triomphe d'Obispo, l'été passé, avec envolée de voix sur le final, un ralentissement intermédiaire du couplet et un arrangement de cordes, transforme Johnny, la rockstar, héros de la ligne Destroy, en chanteur du samedi soir. De quoi lui en veut-on à ce garçon, hein? C'est la question après que l'on pose, nous, hein? De son succès flamboyant, de son ambition quelque peu démesurée, de sa passion avouée pour Polnareff, dont on lui reproche d'être une pâle copie, n'importe. Seul compte l'avis du public. Et, sur ce point, il n'y a pas photo. Le jour même de sa sortie, l'album Ce que je sais se classe deuxième meilleure vente derrière la bande originale du film Titanic. Et un tirage sur vinyle, limité à 2000 exemplaires. Eh oui, oui, oui, oui, il est très recherché celui-là. Est épuisé en 24 heures. Alors, certes, on ne va pas parler d'ici de chef-d'œuvre, ni même d'albums incontournables, mais on peut apprécier à la juste valeur certaines chansons plutôt inspirées, telles que Chacun cherche son cœur, Plus près de vous, Le temps passé, ou Debout, hein, et ou Passer le temps, du moins, on va dire, et des titres que le public aimerait entendre sur scène. On peut de même trouver sympathique, moi je l'adore cette chanson, hein, la chanson Que ma Harley repose en paix, avec cette phrase savoureuse, si je pars sans elle de Los Angeles, que les anges me laissent. Sans oublier bien sûr une bombe tubesque écrite sur commande par Zazie, Allumer le feu. Mais qui donc peut oublier cette chanson? Autre titre qui est, voilà, qu'on a oublié, c'est vrai que dans le temps, on a un peu oublié cet album-là. On ne retient qu'une seule chanson, c'est Allumer le feu. Mais des fois, on peut poser la question, d'où vient, de quel album est tiré le titre Allumer le feu? Voici un autre titre qu'a composé Pascal Obispo, Les Moulins à Vent, sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Et tous les jours sont pareils, à part qu'il y a de moins en moins de soleil, de moins en moins de soleil. Et tu me regardes plus comme avant, à vivre en chaîne croyance, peut-être qu'on s'habitue. Que je me bats, oh, que je me bats. tu t'en fous. Si jamais plus rien est comme avant. Au revoir, Baba, Luba, Bala, Ben, Boum. Bon, d'accord, c'est rentré. Johnny et les années 2000. On va mal à la musique. Y a une fille en toi qui mord. Une autre qui dort dans mes bras. Une tigresse. Toute griffe d'or, une autre comme un petit chat, mais qui est quelquefois, je me demande laquelle de toi, oh, oh a mis mon cœur dans cet état, peut-être les trois à la fois, oh oui, y a une fille. Toi qui chante, une autre qui ne chante pas, une un peu garce et à qui chante, une autre plutôt rabat-joie, mais qui est quelquefois, je me demande laquelle de toi, oh, oh, a pu me plaire à ce point-là. Peut-être les trois à la fois. Ce n'est jamais, jamais la même. Avec toi je ne m'ennuie pas. Mais qui est quelquefois, je me demande laquelle de toi. Oh, oh, un jour ou l'autre me quittera. Peut-être les trois à la fois. Qui est quelquefois, je me demande laquelle de toi. Oh, oh. Un jour ou l'autre me quittera. Peut-être les trois, mais pas toi. Oh non, pas toi. À présent, on va retrouver Antoine Decaune et sa rubrique L'Odyssée Johnny Hallyday. L'Odyssée Johnny Hallyday. Hello à toutes et à tous, c'est Antoine Decaune, l'Odyssée de Johnny, et aujourd'hui nous allons parler de mai 68. Quand on lui demande ce qu'il pense de la contestation étudiante, Johnny évite de se prononcer. Il dit apprécier que les manifestants épargnent les voitures de collection au volant desquelles ils se déplacent alors. En revanche, en Angleterre, les Beatles ont des commentaires à faire. Cela ne veut pas dire que l'époque n'est pas propice à une certaine révolution pour Johnny. Mais pour lui, c'est dans le rock que tout se passe. À Londres, au studio olympique, il travaille avec Glyn Johns, cet ancien preneur de son devenu producteur qui supervise les enregistrements des Beatles, des Rolling Stones, des Who et de la récente sensation Led Zeppelin. En décembre 1968, Johnny travaille sur un nouvel album. À 100 lieues de la variété, du twist ou même du rock'n'roll à la Elvis Presley, il se donne corps et âme à une nouvelle forme musicale qui tient à la fois du blues, du psychédélisme et du rock le plus lourd, à la manière de Led Zeppelin justement. Un vent de liberté et de folie souffle sur ce qu'il enregistre. Hey, appelez-moi le grand patron, dites-lui que je réclame, les cœurs des filles sont en pierre, les sorciers en larmes. L'orchestre de Johnny en 1968 est mené par deux Anglais, le guitariste Mickey Jones et le batteur Tommy Brown. Parmi les autres participants, on remarque Jimmy Page, le soliste de Led Zeppelin, qui joue sur deux morceaux, Réclamation et Regarde pour moi, qu'ont écrit Steve Marriott et Ronnie Lane, deux membres du groupe londonien The Small Faces. Regarde bien par la fenêtre, ne vois-tu pas une fille en blanc devant l'église qui m'attend? L'album réalisé à Londres compte parmi ceux que les fans hardcore considèrent comme le chef-d'œuvre de Johnny. On y découvre Les Immortels, Voyage au pays des vivants, Je suis né dans la rue, et placé en ouverture, signé Mickey Jones, Tommy Brown et Gilles Thibault, l'incroyable Rivière. Ouvre ton livre. Tu es très douce, mais sans cœur et sans âme. On croit trouver le ciel en face. On prend la main comme un ancien idiot. Et puis, trop tard, on s'aperçoit qu'on s'est noyé. Combien de fous dans leur douleur t'ont choisi pour maîtresse. Je sais combien d'amour avant le mien s'est ressenti d'une messe. Hallyday. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. Et qu'un truc à vous dire. Au revoir, Baba Luba, Bala Bim Boum. Johnny et les années 80. Album de la semaine rock, donc programmation rock. Johnny et les années 2010. J'ai toujours été pervers. Parce que dans le rock'n'roll, c'est toujours le sexe et le rock. Ça a un rapport. C'est profond, long, tendre. Hard. Ah, oui. Ouais. La belle vie et les heures tendres.

que tu portes, Johnny Hallyday, en 1991, sur l'album Ça ne change pas un homme. Oh, wababa, loubaba, la ben boum. Bon, d'accord, c'est rentré. Johnny et les années 70. Johnny, 1973. De la Louisiana, du nord jusqu'à Mexico. Premier album de la semaine, qui est ce que je sais, sorti en janvier 1998. Et oui. Et Johnny Hallyday avait donné une petite interview dans les magazines Le Point. Cette date, ça date du 2 juin 2000. Et Johnny déclarait au sujet de cet album-là, ce n'est pas un album que j'aurais acheté. Il y avait juste une bonne chanson de scène, Allumer le feu, mais c'est tout. Mais il y a aussi une très bonne chanson aussi que j'aurais aimé qu'il fasse sur scène. C'est le titre qui arrive là. Que Marley repose en paix. John Hallyday sur RIG et nulle part ailleurs. C'était bien plus fort que des mots. J'ai dit, si je pars sans elle de Los Angeles, que les anges me laissent. Longue été la route, et longue est l'éternité. Que ma repose en paix, repose en paix. C'est

je ne te donne pour me revenir rien que 8 jours. Johnny Hallyday 1964 avec les rocks les plus terribles, rien que 8 jours. À présent, revenons à la version originale adaptée pour Johnny Hallyday. Extrait de son dernier album, Mon pays c'est l'amour, Johnny a repris une chanson de J.D. McPherson, Let the Good Time Roll, qui est devenue Made in Rock'n'Roll. Et voici la version de J.D. McPherson. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny Hallyday 1980 et le titre, excuse-moi, tu en fais toujours du rock'n'roll. Thème assez rock ce soir, n'est-ce pas? C'est mon premier sentiment patriotique. Allez, on revient à l'album de la semaine. L'avant-dernier extrait, il me semble bien, oui. On revient à l'album de la semaine, Ce que je sais, sorti en 1998. L'album a été enregistré du 20 août au 30 octobre, donc à Paris. Et Johnny est déclaré dans le magazine Gala le 15 juillet 1998. Après Las Vegas, je me faisais l'impression d'être une merde. Je ne me suis jamais autant remis en question. Ne croyez surtout pas que ma très longue croisière dans les Caraïbes, dans un bateau de rêve, et c'était une partie de plaisir. Je n'ai jamais été aussi malheureux de ma vie. Oui, je dis du 20 août au 31 octobre 1997. Je l'ai bien dit ça? Je sais plus, je sais même plus ce que je dis. Pour illustrer un peu dans cet album-là, en l'extrait, voici « Chacun cherche son cœur ». Chacun cherche son cœur pour une vie, pour une œuvre. Trouver le pas du danseur, toujours plus haut, toujours ailleurs. Oui, chacun cherche son cœur. Chacun cherche son cœur. Avec les poings du boxeur, là pour donner le meilleur, et toujours plus près, toujours preneur, chacun cherche la lumière. Oui, cherche la Chacun cherche son cœur, le décide au marqueur. Peu importe la couleur, toujours plus belle, toujours plus fière, et chacun fait de son cœur un peu de douceur. L'amour, c'est le moteur. Et toujours plus fort, toujours porteur, chacun cherche la lumière. Il cherche la lueur. Oh, oh. Cherche l'âme sœur. Comme dans les récits Henri Miller. Chacun cherche l'erreur dans ce monde de douleur. Chacun sa balle en plein cœur, sa balle en plein cœur. Chacun cherche à quoi ça sert. Il cherche pourquoi ça meurt. Il cherche. Cherche son cœur, et pour une vie, pour une heure, chacun cherche son cœur. Oui, chacun cherche son cœur.

On revient à l'album de la semaine qui est, je vais y arriver, Ce que je sais, sorti le 24 janvier 1998. Et c'est grâce à cet album Ce que je sais que Johnny revient en force sur le devant de la scène, et justement avec un des défis les plus fous, remplir le Stade de France et jouer 3 soirs d'affilée pour donner un show digne des plus grosses productions américaines. Concert monstre, très grand cru, sur 3 dates donc, hein, du 4 au 6 septembre. Le faux départ a été le 4 septembre, saute à cause d'une pluie diluvienne, mais les 3 vrais soirs furent le 5, 6 et enfin le 11 septembre, malheureusement, ou encore une fois, ou heureusement pour les spectateurs, sous la pluie encore une fois, et Johnny se donnait à cœur joie pour cette soirée sous la pluie. On va écouter en dernier extrait de l'album de la semaine, Le temps passé. Vous écoutez RIG, l'émission Johnny de A à Z. J'ai pas vu le temps passer, et encore moins me grisonner. Il semblerait que le temps se soit ensablé. Rien d'étonnant, j'ai pas vu passer le temps. À force de n'en vouloir que le plaisir, il paraît qu'il y a pourtant plus important à faire. corps écorché. Et à l'horizon, c'est trop souvent rêvé. J'ai pas vu le temps passer. Lis sur mon front se graver ces quelques lignes. J'aurais dû te dire avant, rien d'étonnant. J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu passer le temps. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Dernier live de la soirée, on retrouve Johnny au Palais des Sports en 1971. Et le titre, qui est extrait de l'album Rivière ouvre ton lit, voici le voyage au pays des vivants. Les jours de ma naissance, un scarabée est mort. Je le porte autour de mon cou. Fleur de porcelaine aux parfums interdits. Je n'accepterai que les fous. Je ne recommencerai jamais ce que j'ai fait. Oh non, non, non, non, non. Je ne recommencerai jamais ce mauvais temps. jamais je ne recommencerai, non, jamais. Non, non, non, non, non, jamais je ne recommencerai, jamais. Hey, jamais. Cette émission Johnny de A à Z consacrée à l'album Ce que je sais. Merci encore à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission, de l'avoir écouté jusqu'au bout. Oui, oui, oui. Même le podcast, ceux qui écouteront le podcast, merci de m'écouter jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission et ainsi qu'un autre thème. Bonne nuit à toutes et à tous. Grosse bise les filles et grosse pogne les gars. À la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.